بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السؤال ما رأيكم في قيام الأحزاب ذات التوجه الإسلامي وما موقف المسلم الذي يختار الحياد طريقا له donc on a posé donc la question au cheikh quelle est votre opinion au sujet de l'établissement des différents partis qui ont une orientation islamique et quelle est votre position ou quelle est la position pardon quelle est la position du musulman qui choisit la ruse comme une méthode pour lui. On a répondu à cette question. Le cheikh Al-Fawzan il répond, il dit Al-Jawab يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فالمطلوب من المسلم أن يستقيم في نفسه وأن يقوم بما يستطيع من الدعوة إلى الله سواء كان منفردا أو مع إخوانه المسلمين ولا شك أن الاجتماع على البر والتقوى ولزوم جماعة المسلمين أمر مطلوب من المسلم فالواجب عليك أن تكون مع الجماعة المسلمة المستقيمة على أمر الله التي ليس لها أهداف دنيوية ولا أعراض دنيئة التي تسير على المنهج النبوي وعلى الهدي الكتاب وعلى هدي الكتاب والسنة وأما الجماعات المشبوهة والجماعات المبتدعة والمخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل فابتعد عنها والزم الجماعة التي تدعو إلى إصلاح العقيدة وتحقيق توحيد الله تعالى وتنهى عن الشرك لأنها هي الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق وهي الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc le cheikh il répond en disant que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 119 sourate At-Tawbah: ô vous qui avez cru, soyez avec les véridiques. Et il dit dans le verset 2, il cite le verset 2 dans Surat Al-Ma'ida, et ne vous encouragez pas les uns les autres, ou ne vous entraidez pas les uns les autres dans le péché et la transgression. Et il mentionne le verset 125 dans Surat Al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec une bonne exhortation. Donc, qu'est-ce qui est demandé de la part du musulman? C'est qu'il soit droit en lui-même, qu'il reste fermement sur la droiture, et qu'il se tienne et qu'il fasse ce qu'il est capable de faire pour inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit individuellement ou bien avec ses frères parmi les musulmans. Et il n'y a pas de doute que de se réunir sur le bien et sur la piété et sur le fait de rester ensemble en groupe en tant que musulman, c'est une chose qui est voulue et qui est demandée de la part du musulman. Donc qu'est-ce qui est obligatoire pour toi? C'est que tu sois avec le groupe des musulmans qui est exempt le groupe des musulmans qui est droit et qui reste ferme sur la droiture, sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et qui n'a pas d'autres intérêts parmi les intérêts de la dunya. et des objectifs parmi les objectifs de la dunya et qui n'ont pas non plus des intérêts parmi les bases d'intérêts. Le groupe qui suit ce qui est la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est sur la guidance du Coran et de la Sunna. En ce qui concerne les groupes douteux et les groupes d'innovation et qui sont en contradiction avec la guidance du messager sallallahu alayhi wa sallam dans les paroles et dans l'action, alors écarte-toi et éloigne-toi de ces groupes et reste avec le groupe qui invite à la réforme de la croyance de la aqida et qui appelle à réaliser le tawhid d'Allah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, et qui interdit le shirk avec Allah, parce que ce groupe-là, c'est le groupe victorieux au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé en disant il y aura toujours un groupe de ma umma sur la vérité. Et il a dit également que c'est le groupe sauvé, les gens de la sunna et de l'unité. Ce sont eux qui suivent ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc ça c'est la réponse du cheikh à ce sujet-là. Ensuite, encore une autre fatwa, qui est une autre une autre question qui a été posée au cheikh. Il dit وقد سأله سائل في سؤال طويل وهو ممن عاشر جماعة التبليغ فترة طويلة ثم وفقه الله فتركهم وذكر عنهم بعض ما يجري منهم من طرق بدعية أثناء الخروج. Donc on a posé au cheikh une longue question. La personne qui a posé la question, elle fait partie des gens qui ont côtoyé et qui ont été avec Jamaat al-Tabligh pendant longtemps. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le succès de les laisser et de ne plus être avec eux, avec ce groupe de bid'a, le groupe de Tabligh. Et il a mentionné quelques exemples de ce qui se font, de ce qui se fait, de ce qui se fait parmi ces groupes-là, parmi les différentes voies d'innovation qu'ils font lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils font leur sortie. Le cheikh Al-Fawzan, il a répondu à la question de la personne en disant فَأَجَابَ الشَّيْخ بَارَكَ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا تَفَضَّلْتَ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّهُ بَيَانٌ شَافٍ كَافٍ وأنت مجرب لا شك أنك جربت جماعة التبليغ وعرفت حقيقتهم أكثر من الذي يسمع عنهم ولم يخرج معهم فالذي يتكلم عن خبرة وعن معرفة لا شك أنه أدرى وأعرف من الذي يتكلم عن سماع ووصف والله تعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير ويقول سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا. Donc le cheikh il commence sa réponse, on va lire la première partie. Lorsqu'il répond, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il dit ce que tu as donné comme exemple de la réalité au sujet de Jamaat al-Tabligh, c'est une explication qui est suffisante et qui est clarifiante et qui amène la guérison. Et il est clair que tu es une personne expérimentée. Tu as expérimenté le groupe de Jamaat al-Tabligh. Tu as eu des expériences avec eux et tu as connu leur réalité beaucoup plus que la personne qui entend parler d'eux et qui n'est pas sortie avec eux. Donc celui qui parle de par son expérience et sa connaissance, il parle avec connaissance et il n'y a pas de doute qu'il sait mieux que les autres les informations qu'il a à propos de quelque chose que la personne qui parle seulement de ce qu'il a entendu, hein, et de ce qu'on lui a décrit. Hein? Donc si tu parles de ce que tu sais et que tu as vécu, c'est beaucoup plus, hein, c'est beaucoup plus fort. Et il mentionne les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et nul ne pourra t'informer mieux que la personne qui est informée correctement et complètement. Le verset 14 dans Surat Fatir. Et le verset 59 dans Surat Al-Furqan, alors demande à son sujet à la personne qui est bien informée. Fas'al bihi khabira. Donc il dit, wa mithluka min ikhwanika aydan man sharakuhum وخرجوا معهم في الوقت وفي الأخير عرفوا الخطأ في طريقتهم فتراجعوا وبينوا للناس أن هذه الجماعة لا تصلح للدعوة ولا يصلح الخروج معهم ومن أشهرهم فضيلة الشيخ سعد الحسين جزاه الله خيرا فإنه كان في الأول متفانيا معهم وكان يدافع عنهم ولكن لما تبين له حقيقة أمرهم دعاه دينه وإخلاصه وعقيدته الصحيحة إلى الإنكار عليهم وهذا هو الواجب وغيره كثير وكثير ممن كتبوا عنهم ممن رافقوهم وعرفوا أحوالهم ونحن من الأول لسنا في شك من هذا الأمر وكما قلت لكم في بداية هذه الجلسة إن هذه البلاد ولله الحمد ليست بحاجة إلى جماعة تأتي من هنا وهناك من خارج البلاد إنها بحاجة إلى أن تؤازر هذه الدعوة الصحيحة التي نشأت فيها على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي امتداد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن بحاجة إلى القيام بهذه الدعوة ومناصرتها ونشرها بين الناس عن علم وبصيرة ولسنا بحاجة إلى أن نستورد مناهج الدعوة أو جماعات من الخارج يعني يدعوننا أو يدعونا للخروج عن هذه الدعوة. هذا أظنه هو القصد. أظن هؤلاء الذين يأتوننا من الخارج من التبليغ وغيرهم يريدون أن يدعوننا إلى ترك هذه الدعوة السلفية الصحيحة وإلا ماذا يريدون؟ Donc on va traduire cette autre partie de la réponse du Cheikh. Il dit, toi ainsi que tes frères qui ont été avec eux, qui ont participé avec eux, qui sont sortis avec eux et qui par la suite ont connu leurs erreurs, dans les erreurs qu'ils ont dans leur voie, et qui sont revenus et qui ont clarifié pour les gens ce que font cette Jama'a, hein, et qui ont clarifié que ces gens-là ne sont pas aptes à faire la da'wah et qu'ils ne sont pas aptes à sortir, hein, c'est-à-dire ils sont pas aptes à appeler les gens à sortir avec eux, c'est-à-dire ils font pas partie des gens qui sont capables de sortir pour faire la da'wah et d'appeler les gens à sortir avec eux, et on ne doit pas sortir avec eux. Et parmi les plus célèbres d'entre ceux qui ont parlé à leur sujet et qui étaient avec eux auparavant, il y a le Cheikh Saad al-Hussein. Jazahullahu khayran. Il faisait partie de Jama'at al-Tablir. Pendant longtemps, il est sorti avec eux et il les défendait. Et lorsqu'il a compris clairement la réalité de ce groupe, et qu'on lui a clarifié les choses à leur sujet, eh bien, sa religion et sa sincérité et sa croyance propre l'ont poussé à dénoncer ce que ces gens-là faisaient. Et c'est ça qui est obligatoire. Hein? Et il y a de très nombreuses personnes comme lui qui ont écrit également des livres. Parmi ceux qui ont été avec Jama'at Tablir et qui ont connu la réalité de Jama'at Tablir par la suite. Et يعني on ne doutait pas de ça depuis le début. On ne doutait pas de les yarmas de ce groupe depuis le début. Comme je l'ai dit au début de cette assemblée, au début de cette assise, que ce pays, alhamdoulilah, n'a pas besoin de groupe qui vient de l'extérieur, hein, pour venir, hein, nous amener des choses nouvelles qui ne sont pas dans le Coran et dans la Sunna. Nous, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des gens qui vont venir nous supporter dans cette da'wah qui est correcte, qui est la da'wah que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a débuté, qui est extraite et qui vient en fait, qui prend ses sources dans la da'wah du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, on a besoin d'établir cette da'wah, qui est la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la défendre, et de la propager entre les hommes, avec science, avec compréhension. Et on n'a pas besoin de faire venir de l'extérieur des différentes méthodologies, des différents groupes qui viennent de dehors. C'est-à-dire, yani, ils viennent de l'extérieur et ils veulent nous appeler à sortir de cette da'wah, à sortir de la da'wah salafie, à quitter le Coran et la sunna et la compréhension des salafs. C'est ce qu'ils veulent. Et ils disent, je crois que c'est ce qu'ils veulent. Je crois que c'est ça leur objectif. Je crois que ces gens-là veulent venir nous faire sortir avec eux, parmi les gens de Tablir et autres. Ils veulent qu'on rentre avec eux pour sortir de notre da'wah salafia, hein, qui est la da'wah correcte. Sinon, qu'est-ce qu'ils veulent d'autre, hein? Il dit, « Nahnu walillah ilhamd, ala basiratin min amrina. Ala basiratin min amrina. » يعني يجيئون إلى هذه البلاد يريدون أهلها معهم لأي شيء يخرجون هل كانوا على ضلال هل كانوا على جهل من عقيدتهم إن هذه البلاد ولله الحمد لست أقول ولست أقول هذا من باب المدح أو المجاملة إن هذه البلاد ولله الحمد هي أحسن بلاد الدنيا وذلك فضل الله سبحانه وتعالى والواجب أن نشكر هذه النعمة فإن تجاهل هذه النعمة من الكفر فإن تجاهل هذه النعمة من الكفران النعمة تشكر بذكرها وتشكر أيضا بالعمل بها وتشكر أيضا بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى الذي من بها فكما تفضلت عن هذه الجماعة فهذا شيء كتب عنه أو كتب عنهم فهذا شيء كتب عنهم وبين للناس وآخر ما صدر فتوى للشيخ ابن باز منذ أيام في جريدة الدعوة يقول إن هذه الجماعة ليس عندها بصيرة في التوحيد وهذا هو الأساس إذا صار ما عندهم بصيرة بالتوحيد تركناهم ها؟ نفضنا أيديهم منهم يقول فلا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يريد أن يبصرهم إذا صاروا هم بحاجة إلى الدعوة إذن صاروا هم بحاجة إلى الدعوة وإذا كانوا هم بحاجة إلى الدعوة كيف يدعون الناس صاروا هم بحاجة إلى الدعوة وإلى أن يخرج معهم علماء أهل بصيرة يدعونهم إلى التوحيد إذا ما صار لهم مكان ولا صار لهم فائدة وإنما هم بحاجة إلى الدعوة ونقض هذه المبادئ التي هم يسيرون عليها وليست جماعة التبليغ فقط بل كل الجماعات المشبوهة المستوردة يجب أن يوقف منها هذا الموقف أن يوقف هذا منها هذا الموقف والله تعالى أعلم. Donc ça c'est la réponse. نعم. Ça c'est la réponse de Cheikh Al-Fawzan. à ce sujet-là. Donc le cheikh il répond, on va terminer donc la partie de la réponse. Il dit, nous, alhamdoulillah, on a une compréhension de nos affaires. C'est-à-dire, ils viennent de leur pays, ils viennent dans notre pays, ils veulent que les gens de ce pays sortent avec eux. Pourquoi on va sortir? Est-ce qu'on était dans l'égarement auparavant? Est-ce qu'on était dans l'ignorance de notre aqidah? On ne connaissait pas notre aqidah comme il faut? Ou bien que les gens de ce pays, alhamdoulilah, et dit, je dis pas ça pour me glorifier, pour qu'on fasse la, pour vanter ou glorifier, ou bien pour faire plaisir aux gens ici, mais alhamdoulilah, ce pays, par la grâce d'Allah et par la louange d'Allah, il est un des meilleurs pays dans la dunya par rapport à l'islam, l'Arabie Saoudite. Et ça, ça fait partie des grâces d'Allah. Et c'est obligatoire pour nous de remercier la grâce d'Allah, et de ne pas ignorer cette grâce. Parce que d'ignorer la grâce d'Allah, ça fait partie de l'ingratitude. Et la grâce, il faut la remercier, et là, il faut qu'on soit reconnaissant à son sujet en la mentionnant, en l'appliquant et en l'attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que ça vient d'Allah et que c'est lui qui nous a fait la faveur de cette grâce. Comme tu l'as mentionné au sujet de cette jama'a. Et ça, c'est une chose que les gens ont écrit à leur sujet, des erreurs qu'ils ont. Et on a clarifié ça aux gens. Et la dernière fatwa qui est sortie de la part de Cheikh Ibn Baz, depuis quelques jours, dans le journal Al-Da'wa, on va la lire au prochain cours, Inch'Allah. Ça a été dit, donc Cheikh Ibn Baz a dit à son sujet que cette jama'a, ils n'ont pas de compréhension dans le tawhid. Jama'a Tabligh, ils n'ont pas de compréhension et de connaissance dans le tawhid. Donc ça, c'est la base, le tawhid. Donc si eux, ils n'ont pas de connaissance du tawhid, ils ne comprennent pas le tawhid, alors on doit les laisser. On doit laver nos mains de ces gens-là. Et Cheikh Ibn Baz, il a dit, donc il n'est pas permis de sortir avec eux, excepté pour un savant qui veut leur enseigner la religion et leur faire comprendre, leur faire connaître la religion. Donc, c'est eux qui ont besoin de da'wah. C'est Jama'at Tabligh qui ont besoin de da'wah. C'est pas eux qui doivent aller donner la da'wah aux gens. C'est Jama'at Tabligh qui doivent apprendre la religion et qu'on doit faire la da'wah. C'est eux à qui on doit faire la da'wah et non pas eux qui doivent faire la da'wah aux autres. Ça, c'est très important. Donc, ce sont eux qui ont besoin de da'wah. Et ce sont eux qui ont... Et si ce sont eux qui ont besoin de da'wah, donc dans ce cas-là, comment eux pourraient-ils donner la da'wah aux autres? Ils ont besoin que les ulama sortent avec eux pour leur enseigner le tawhid et les appeler au tawhid. Donc, on n'a pas besoin d'eux. Donc on n'a pas besoin d'eux. Et ils n'ont pas de place ici. C'est eux qui ont besoin de da'wah pour qu'on corrige et qu'on réfute les fondements qu'ils ont, sur lesquels ils fonctionnent et qui sont en contradiction avec l'islam. Et pas seulement Jama'at Tabligh, toutes les Jama'at, tous les groupes qui sont douteuses et qui viennent de l'extérieur avec des méthodologies qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs, on doit s'arrêter vis-à-vis d'eux et prendre cette position-là avec eux. Wallahu ta'ala a'lam. Et ici il dit, وعندما حكي الى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله نعم ان له حكي له انهم ينفرون من الدعوه الى التوحيد قال انا شاهدت هذا بنفسي عندما القيت محاضره في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مجتمعين فيه فخرجوا من المسجد ومثلي بعض المشايخ الذين ألقوا في هذا المسجد نفسه يعني في هذا المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد خرجوا منه لأنهم كانوا نازلين فيه فإذا سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد ولكن لما سمعوا التوحيد خرجوا من المسجد. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, il y a des gens qui étaient présents qui ont dit au cheikh que, hein, il s'enfuit de la da'wa du tawhid. Le jama'at tablir, il s'enfuit de la da'wa du tawhid. Et Cheikh Al-Fawzan, il a dit, j'ai vu ça moi-même. De par moi-même, j'ai vu ça. J'ai été témoin de ça par moi-même. Lorsque j'ai donné une conférence sur le tawhid dans une des mosquées de Riyad, et qu'il y avait un groupe de jama'at tablir qui était rassemblé dans la mosquée, ils sont tous sortis de la mosquée quand j'ai commencé à faire la conférence. Et moi, ainsi que plusieurs mashaykhs, la même chose dans cette mosquée-là, quand ils ont donné des cours sur le tawhid et des conférences sur le tawhid, ils étaient réunis dans la mosquée. Quand ils ont entendu l'invitation au tawhid, ils sont tous sortis de la mosquée. Parce que, malgré qu'ils appellent, ils appellent à se réunir dans la mosquée, mais lorsqu'ils entendent parler du tawhid, ils sortent de la mosquée. Ça, c'est grave. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, avec cette fatwa qu'on a lue à propos de Jama'at Tablir et d'autres. Puis, au prochain cours, on lira quelques fatwas aussi de d'autres shuyukh à ce sujet-là. C'est sûr que maintenant les gens sont beaucoup plus au courant de leurs égarements et de leurs innovations, parce que Jama'at Tablir, c'est un groupe soufi qui appelle au soufisme, hein, indirectement, pas directement mais indirectement. Et donc il faut faire attention donc à ce genre de groupe, parce qu'ils propagent la mauvaise aqida et l'ignorance et l'égarement, même si ils se donnent l'image de personnes qui veulent appeler à qu'est-ce qui est bon, à qu'est-ce qui est bien, à l'islam, à la salat de façon générale, mais derrière ça il y a d'autres choses, et les gens souvent ils se laissent souvent tromper par l'apparence. Allah musta'an. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.